Le projet Salus démontre que les personnes vaccinées sont plus nombreuses à être admises à l'hôpital à cause du Covid-19 que les personnes non vaccinées. Ne vous fiez pas aux statistiques que vous n'avez pas vous-même falsifiées, est un dicton courant qui exprime à quel point on peut manipuler les statistiques, les études et autres. Mais aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous voulons vous présenter une analyse de données sur les effets des vaccins que nous considérons très crédibles pour les raisons suivantes. Premièrement, les données proviennent d'un très grand nombre de patients, à savoir 5,6 millions de patients américains âgés de 65 ans et plus, qui sont assurés dans le cadre du système Medicare. Dans ce cas, on ne peut pas supposer que l'étude est faussée par une sélection ciblée de participants à l'étude, comme c'est facilement possible avec des études plus petites. Deuxièmement, la période de collecte des données s'étend de janvier 2021 au 21 août 2021, c'est-à-dire peu après le début de la vaccination aux États-Unis. Les données montrent la courbe de la pandémie avant et après l'émergence du variant Delta du Covid et sont donc très significatives en ce qui concerne les effets généraux de ces vaccins non relatés. Troisièmement, l'objectif de l'analyse était de montrer au ministère de la Défense l'impact de la pandémie et de la campagne de vaccination sur la population afin d'identifier les éventuelles vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement. Les données ont été analysées par un secteur du ministère de la Défense en collaboration avec une société d'intelligence artificielle. Il ne peut être dans l'intérêt des analystes de falsifier les données afin d'atteindre des objectifs politiques ou de marketing et d'influencer la population dans une certaine direction. Par exemple, qu'elle se fasse vacciner, car les données sont destinées à des informations factuelles pour le ministère de la Défense. Ces données proviennent des États-Unis, mais d'une part, le virus se comporte de la même manière partout, et d'autre part, on a utilisé des vaccins qui sont également courants dans notre pays, à savoir les vaccins Covid-19 de Pfizer, BioNTech et Moderna. Après ces remarques introductives, passons à l'analyse proprement dite. Vous trouverez un lien vers le document original à la fin de cette émission. Sur le site américain Natural News, un article d'Ethan Hoof a été publié à ce sujet, dont nous vous proposons une traduction partielle ci-dessous. Les données du ministère de la Défense montrent que 60% des patients âgés de 65 ans et plus hospitalisés à cause du Covid sont entièrement vaccinés. Le ministère de la Défense, en collaboration avec Qmetrics et le Joint Artificial Intelligence Center, a publié de nouvelles données dans le cadre du projet Salus, qui montre que les vaccins contre le coronavirus de Wuhan, Covid-19, ne sont en aucun cas le produit miracle annoncé. Une présentation PowerPoint du 28 septembre 2021 intitulée « L'efficacité du vaccin ARNm du Covid-19 contre le variant Delta chez 5,6 millions de personnes âgées de 65 ans et plus » assurées auprès de Medicare montre que, en particulier chez les personnes âgées, les vaccins contre le virus chinois ne constituent pas une protection efficace contre la maladie. L'image 12, voire ci-dessous, explique que sur la base des dernières données disponibles au 7 août, dans le groupe d'âge de 65 ans et plus, au moins 60% des patients hospitalisés suite à la grippe Fauci sont des patients entièrement vaccinés, ce qui signifie qu'ils ont reçu toutes les injections actuellement disponibles. Selon la même image, le variant appelé variant Delta a commencé à faire son apparition exactement au moment où une masse critique de la population a été vaccinée contre le nouveau virus. Cela indique que ce sont précisément ceux qui sont entièrement vaccinés qui tombent malades et transmettent la maladie. Lorsque le variant Delta est passé à plus de 50% en juin, les hospitalisations liées au Covid-19 ont plus que doublé, inversant la tendance antérieure à la baisse des hospitalisations depuis avril. 80% de la population de 65 ans et plus sont totalement vaccinés. Jusqu'au 7 août, à peu près 60% de ces personnes ont été hospitalisées à cause du Covid-19. Les vaccins Covid introduisent-ils la maladie dans le corps des gens? Avec ce chiffre de 60%, il convient de noter que cela ne prend en compte que les patients dont l'injection remonte à au moins 15 jours. Si un patient entièrement vacciné tombe malade au 13e jour après la deuxième injection d'ARNm, il est toujours classé comme non vacciné. Cela signifie que le véritable pourcentage d'hospitalisés entièrement vaccinés est probablement bien supérieur à 60%. Certains estiment qu'il est plus proche de 80, voire 90% ou même plus. Qui sait vraiment? Cependant, Nous savons que la plupart des effets secondaires visibles des vaccins Covid surviennent dans cette fenêtre de 2 semaines. Les effets secondaires indésirables à plus long terme peuvent prendre des mois, voire des années, avant d'apparaître complètement. C'est pratique pour les manipulateurs de la pandémie, qui préfèrent que les gens croient le mensonge selon lequel seules les personnes non vaccinées tombent encore malades. Mais la réalité est exactement le contraire. La plupart des nouvelles infections sont ce qu'on appelle des percées vaccinales chez les personnes entièrement ou partiellement vaccinées. La diapositive suivante de la présentation du Pentagone montre en outre que plus le temps s'est écoulé après la vaccination, plus le taux d'hospitalisation est élevé. Il s'avère que chez certaines personnes entièrement vaccinées, les percées vaccinales peuvent se produire plusieurs mois plus tard. Le gouvernement prétend que cela montre que l'efficacité des vaccins diminue avec le temps. Mais la réalité est que les vaccins n'ont jamais fonctionné. Ce que font ces vaccins, c'est introduire la maladie dans le corps des gens et la probabilité qu'elle se manifeste au fil du temps augmente. Les autorités ne vous le diront jamais, bien sûr. Ils veulent que nous croyions tous que les vaccins n'ont qu'une efficacité limitée. C'est pourquoi ils promeuvent maintenant les boosters comme la solution pour le système immunitaire. Cependant, avec chaque nouveau rappel, la probabilité qu'une personne entièrement vaccinée tombe malade augmente. C'est une mort sournoise pour la plupart des gens. Une situation imputée aux personnes non vaccinées, alors qu'en réalité, ce sont les personnes entièrement vaccinées qui remplissent les hôpitaux. Après une vaccination par ARNm, le risque d'hospitalisation due à une percée vaccinale augmente avec le temps, avec une probabilité d'augmentation de 2,5 fois dès 6 mois après la vaccination, indique le rapport. Vous pouvez consulter le rapport complet pour vous-même pour en savoir plus. Chers téléspectateurs, où est passée la soi-disant protection vaccinale? Les promesses selon lesquelles la vaccination protège contre l'infection et la propagation du coronavirus ont dû être retirées. Ce château de cartes est donc en train de s'écrouler. Maintenant, elle ne protège même plus contre une évolution grave du Covid-19. Si nous ajoutons ensuite un chiffre non déclaré de 10 ou 20%, ce qui est très probable, nous nous retrouverions en fait avec 70 ou 80% de personnes vaccinées parmi les personnes gravement malades. Avec une proportion de 80% de vaccinés dans le groupe de population étudiée, il n'y a guère d'avantage à en tirer. Quel est donc l'intérêt et le bénéfice de la vaccination ?